La voie qui est à suivre, elle est commune pour l'homme et la femme. La religion islamique, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon pour l'homme et pour la femme. Le meilleur exemple qu'elles ont, ou que les hommes ont, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tout transmis et n'a rien délaissé. Tout ce qui est propre aux femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Donc, elle rentre, elle aussi, dans cette obligation de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes du prophète, na'am, les femmes du prophète radiallahu anhun, elles sont un très bon exemple pour les femmes. Car elles ont mis en pratique l'ordre d'Allah et l'ordre de son messager alayhi wa sallam. Elles ont suivi son chemin. Donc, pour les femmes, elles ne sont qu'un bon exemple. Et comme les femmes du prophète sont des sahabiyyat, et les sahaba font aussi leurs paroles et leurs pratiques, hein, il nous est un devoir de le suivre. Donc, elles rentrent dedans. Donc, c'est très bien pour les sœurs qu'elles prennent exemple sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, à mettre en pratique ses ordres et à s'éloigner de ses interdits et de suivre convenablement ses compagnons, hein, et leurs épouses. Inch'Allah. Bon, une autre question ? Parle fort. Pour la science ? Non, mais pour la priorisation. Ah, non, parce que tu peux. Parce que lui, dans le livre, je ne sais pas, mais là au début, lui, il a cité ce verset-là. Même quand il ramène deux ou trois versets sur un domaine bien précis, il pourrait en ramener d'autres. Mais c'est à titre d'exemple qu'il ramène. Quelqu'un pourrait essayer d'amasser tous les arguments dans un domaine. Mais bon, le musulman, un verset, deux versets, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de... D'accord ? Non. Y a-t-il d'autres questions ? Parle plus fort. Parle plus fort. Il fait de bonnes œuvres. Oui. Tout. Les bonnes œuvres ? Ça, c'est des obligations. Et autant par bonnes œuvres. Bonne œuvre, c'est simple. Pour qu'une œuvre soit bonne, on a déjà vu ça plusieurs fois, il faut deux grandes conditions. Soit une œuvre explicite, sincère, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième condition, qu'elle soit conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça rentre dans les obligations, ou que ça rentre dans les recommandés, ou dans les surrogatoires, tout ça, ça rentre dedans. C'est ça qu'on entend par bonne œuvre. Tout ce qui est bonne œuvre, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et dedans rentre les obligations, rentre les surrogatoires, rentre les recommandés, et ainsi de suite. Est-ce que tu as... C'est bon ? Inch'Allah. Oui. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Apprends que Dieu te soit clément, que tout musulman, homme ou femme, doit apprendre et pratiquer les trois principes suivants. Le premier principe, Dieu nous a créés, nous a procuré notre subsistance et ne nous a pas négligés. Mais il nous a envoyé son messager, son prophète, quiconque lui obéit est admis au paradis et celui qui lui désobéit et le contredise est destiné à l'enfer. Voici l'évidence divine citée par Allah dans le Coran. Nous vous avons envoyé un messager en témoin de vos actes, tout comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon désobéit au messager, nous l'avons alors saisi et puni d'une punition sévère et lourdement pénible. Deuxième principe, Allah ne tolère et n'admet jamais un associé à lui dans son adoration, que ce soit un ange rapproché de lui ou un prophète messager de sa part divine. Voici l'évidence prescrite par Allah dans le Coran. Oui, et les mosquées sont érigées pour la seule adoration d'Allah. N'invoquez donc personne d'autre avec Allah. Troisième principe, celui donc qui obéit au prophète et pratique le monothéisme et croit en un seul Dieu et unique Dieu ne doit jamais se soumettre ni lier amitié avec le mécréant qui dénie Dieu et son prophète, même s'il lui était son plus proche parent. Voici l'évidence citée par Dieu dans le Coran à ce sujet. Tu ne trouveras jamais des gens qui croient en Dieu et au jour du jugement dernier se lier d'amitié avec ceux qui dénient Dieu et son messager, fussent-ils leur père ou leur fils ou leur frère ou les membres de leur tribu. Cela, Dieu leur a imprégné la foi dans leur cœur et les a soutenus par un Saint-Esprit de lui. Il les admettra dans des paradis sous lesquels coulent des rivières et où ils vivront éternellement. Dieu en est satisfait et eux se satisfaient de Dieu. Ils sont les partisans de Dieu et ce parti de Dieu est le seul qui prévaut et est digne de réussite. Donc voilà la deuxième partie à laquelle on devait apprendre pour aujourd'hui. Donc, et par laquelle Cheikh Ben Baz, Hafidhahullah, il commence par la commenter en disant Ya'lam rahimakallah, on avait déjà expliqué ça. Sache que Dieu te soit clément, que ce discours, hein, il est dirigé vers tout musulman et toute musulmane, pas seulement celui qui lit l'ouvrage ou à l'étudiant, celui qui recherche les sciences islamiques. C'est pour tout musulman et tout musulman qui est concerné, c'est tout musulman et tout musulman qui sont concernés par ce discours-là, hein, sur les trois principes de l'islam. Donc, il dit qu'il est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane. Pourquoi ? Car la religion, son apprentissage est un devoir, est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Le strict minimum auquel qui est demandé d'apprendre, ceux-ci sont concernés l'homme et la femme au même degré. Ta'allumu hadhihi thalath masail. Donc d'apprendre ces trois principes. Donc qui va citer wal 'amalu bihin et de les mettre en pratique. Alors Ben Baz dit hadhihi al-masail al-thalath min aham al-masail allati tata'allaq bit-tawhid wa huquqih. Donc il dit ces trois principes sont parmi les plus importants des principes qui concernent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et ce qui est en cours. Al-Oula, la première, Anna Allah khalaqana wa razaqana. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, wa razaqana, et il nous a pourvu. Il nous a donné notre subsistance. Wa lam yatrukna hamala. Et il ne nous a pas délaissé comme cela par hasard. Alors, Cheikh Ben Baz, il commente en disant Allahu khalaqa al-khalq. Allah a créé les créatures. Liya'buduhu. Pour quelle chose? Pour quelle raison? Pour quelle cause? Pour qu'il l'adore. Falam yakhluqhum hamala. Il ne les a pas créés comme ça par hasard. Wala soudan wala abatha. Ni par jeu. Lakinnahu khalaqahum li amrin azim. Mais il les a créés pour une chose très importante. Wala hikmatin azimah. Et pour une très grande sagesse. Fiha sa'adatuhum. C'est dans cette sagesse qu'il y a leur réussite. وفيها نجاتهم et c'est là qu'ils gagneront. وهي أن يعبدوا الله وحده et c'est qu'ils n'adorent qu'Allah seul, لا شريك له, sans associé. كما قال تعالى, comme Allah dit dans le Coran, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وهذه العبادة أمرهم الله بها في قوله سبحانه. Et cette adoration, Allah leur a ordonné dans ce verset, يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Ô vous les gens, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. وفي قوله تعالى, et dans sa parole, le Très-Haut, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Et Allah a décrété, a prescrit que vous n'adoriez que lui. وفي قوله, et dans sa parole divine, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et adorez Allah et ne lui associez rien que ce soit. وفي قوله, et dans sa parole divine, فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ, adore donc Allah sincèrement, à lui appartient la religion. وفي قوله, et dans sa parole divine, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, et ne leur a été recommandé que d'adorer Allah sincèrement à lui et de lui vouer un culte exclusif. في آيات كثيرة أمرهم فيها بالعبادة, dans beaucoup de versets, dans ceux qui ont été cités et dans bien d'autres, Allah ordonne à ses serviteurs de l'adorer. وهي توحيده جل وعلا, mais cette adoration à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala demande et ordonne aux gens, c'est de lui vouer, de lui faire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'unicité, c'est de là, c'est ça qui est demandé dans tous ces versets-là. Ici, le sens de ibad, de l'adoration, c'est la vraie signification, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est at-tawhid. Wa takhsisuhu bil ibadah, hein, et de lui donner une adoration exclusive à lui, pour lui seul, pour personne d'autre. Min du'a'in, et la ibada, l'adoration, ça englobe beaucoup de formes, parmi lesquelles il y a ad-du'a, l'invocation, wa khawfin, la peur, la crainte, wa raja, l'espoir ou l'espérance, wa tawakkul. Tawakkul, c'est une confiance, se remettre à Allah et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَغْبَةٍ وَرَغْبَةٍ. Al-Raghba, c'est une approche, tout ce qui est une approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَغْبَةٍ, c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَلَاتٍ, salat, c'est la salat, la prière. وَصَوْم, le jeûne. وَغَيْرِ ذَلِكَ, et bien d'autres. فَهُوَ الْمُسْتَحِقْ لِلْعِبَادَةِ جَلَّ وَعَلَى. C'est lui seul qui est en droit d'être adoré, glorifié soit-il. Duna kullama siwa, hein, personne d'autre n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fi dhalika, et entre dans cela, fi'l al-awamir, de mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tark an-nawahi, et de délaisser les interdits. Tout cela, hein, sont des formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le terme ibadah est un terme qui englobe beaucoup de choses. فَأَدَاءُ الْأَوَامِرْ الَّتِي أَمَرَكَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ. Donc, le fait que tu t'acquittes des ordres qu'Allah t'a ordonné ainsi que son messager. وَتَرْكِ النَّوَاهِ الَّتِي نَهَاكَ اللَّهُ عَنْهَا وَرَسُولُهُ. Et de délaisser les interdits lesquels t'ont été interdits par Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager. كُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةِ. Tout ceci entre dans le terme global qui est l'ibadah, l'adoration. Tout ceci n'est qu'une forme d'adoration. وَهَذَا هُوَ الْإِسْلَامِ. Et ceci, c'est l'islam. وَهُوَ الدِّينِ. Et c'est la religion. وَهُوَ الْإِيمَانِ. Et c'est la foi. وَهُوَ الْهُدَى. Et c'est la guidée. فَلَا تُصَلِّ إِلَّا لِلَّهِ. Tu ne pries que pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَرْكَعْ إِلَّا لَهُ. Et tu ne t'inclines que pour lui. وَلَا تَذْبَحْ إِلَّا لَهُ. Et tu n'immoles, hein, tu donnes en offrande d'un animal que pour lui. وَلَا تَدْعُ إِلَّا إِيَّهِ. Et tu n'invoques que lui. وَلَا تَتَوَكَّلْ إِلَّا عَلَيْهِ. Et tu te remets que sur lui. إِلَا غَيْرِ هَذَا مِنَ الْعِبَادَةِ. Et bien d'autres aussi formes d'adoration qui ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. أَمَّا الْإِسْتِعَانَةُ بِحَاضِرٍ قَادِرْ فِي مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. Mais de demander secours ou aide à quelqu'un qui est présent de venir en secours ou de t'aider, فَهَذَا لَيْسَ بِعِبَادَةِ. Ceci n'est pas une adoration. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي قِصَةِ مُوسَى. Comme le très glorifié a dit dans l'histoire de Moïse, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Celui qui faisait partie de son peuple l'a interpellé, lui a demandé son secours contre celui qui faisait partie de ses ennemis. Vous savez, l'homme qui se battait avec un copte. Et les coptes, ce sont le peuple de Pharaon. C'est eux qui dominaient en Égypte. Et les enfants d'Israël, c'était les esclaves. Et Moussa, alayhi salam, il est d'origine enfant d'Israël. Et quand il a vu cet homme-là se battre avec ce copte, cet homme-là en a profité pour appeler Moïse. Il lui a demandé son aide. Il l'a interpellé pour qu'il vienne à son secours. Et Moïse est venu, et quand il a vu que lui, il était de son camp, et que l'autre était du camp de Pharaon, il a frappé qui était du camp de Pharaon, et il en est tombé mort. Car Moïse, Allah lui avait donné très grande force. Et là, il ne s'est pas contrôlé, il l'a frappé d'un seul coup, et il est tombé mort. Donc, le fait que cet homme-là ait demandé le secours à Moïse, ceci n'est pas une adoration. Cette forme de demande de secours, ça ne rentre pas dans les adorations. Car c'est une demande à une personne vivante, présente. Et deuxièmement, la demande, elle n'est pas impossible. Elle est possible. Il doit demander de lui donner un coup de main contre cet ennemi-là. Et il a pu lui répondre à cette demande-là. Donc ça ne rentre pas dans l'adoration. Pourquoi il a ramené ça, cher Ben? Parce que beaucoup, hein, n'arrivent pas à différencier entre les demandes. Quand tu leur dis, tu ne dois demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois demander de secours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, elles te disent, oui, c'est bien beau de dire ça, mais alors donc on n'a plus le droit de demander secours à quelqu'un ou l'aide à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas la part des choses. Ils n'arrivent pas à comprendre que tu demandes à quelqu'un ce qu'il en est capable. Et il est présent devant toi. Mais pourquoi ils répondent ça, ces gens-là? En gros, c'est pour se justifier lorsqu'ils interpellent ou lorsqu'ils demandent l'aide ou lorsqu'ils demandent secours aux morts et aux saints. Parce que le mort, il ne peut pas répondre. Il n'entend pas ce que tu lui dis. Parce qu'Allah il dit au prophète sallam, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Et il ne t'a pas été donné la possibilité de faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Quelqu'un pourrait ramener quelque chose, pourrait dire, mais attends, à la bataille de Badr, après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien été vers les corps morts des grands de Quraysh. Il leur a dit, oh un tel, et il les a interpellés par leur nom. N'as-tu pas trouvé ce qu'Allah t'avait promis. Car le prophète leur avait dit, si vous restez comme vous êtes, vous allez en enfer. Vous serez châtiés. Eux, ils se sont moqués de tout cela. Lorsqu'ils sont morts, et bien une fois qu'ils sont morts, et bien ils ont vu ce qui leur est arrivé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille, il est venu, alors chacun tout seul. Il lui a demandé, oh un tel, n'as-tu pas trouvé ce qu'Allah t'a vu? Alors quelqu'un pourrait dire, ben alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va parler à ces morts-là? Parce que la règle générale, c'est que les morts n'entendent pas les vivants. Sauf lorsqu'Allah le permet à un mort ou à certains morts d'entendre une certaine personne. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam de parler à ces morts-là, mais c'est une exception dans le temps et dans le lieu. C'était une période bien précise et un lieu bien précis. C'était ces personnes-là bien précises qu'Allah, hein, que le prophète a permis au prophète de lui permettre de venir leur parler. Sinon, la règle générale, c'est quoi? C'est que les morts n'entendent pas. Les morts n'entendent pas. Est-ce que c'est bien compris ce point-là? Si vous n'avez pas compris, vous me le dites. Hein. Donc, alors, je continue. فَإِنَّ مُوسَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُغِيثَهُ. Car Moïse, il est capable de lui venir en secours. أَمَّ دُعَى الْمَيِّتِ. Mais d'invoquer le mort, وَدُعَى الْغَائِبِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَلَامَكَ. Ou l'invocation ou l'interpellation d'une personne absente qui n'entend pas ta parole, أَوْ دُعَى الصَّنَمِ. Ou d'invoquer ou d'interpeller la statue ou l'idole, ou il djinn ou les djinns, ou il ashjar ou les arbres, ou nahwiha ou autre chose. Fahada shirkul mushrikin. Voilà le polythéisme des associateurs. Wa huwa shirkul akbar. Et ceci est le grand polythéisme. Pourquoi il dit le grand polythéisme? Car comme vous savez, la mécréance, elle est de deux sortes. Le polythéisme est de deux sortes. Et l'hypocrisie, elle est de deux sortes. Al-shirkul akbar, wal-kufrul akbar, wal-nifakul akbar. Les grands polythéismes, la grande hypocrisie, ou la grande mécréance, ceci fait sortir de l'islam. La personne n'est plus musulmane. Alors que lorsque c'est le petit polythéisme ou la petite mécréance, ou la petite hypocrisie, ceci ne fait pas entrer, ne fait pas sortir de l'islam. La personne reste toujours musulmane. Par exemple, on va donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. Qalu wa ma ash-shirk al-asghar ya Rasulallah, qala al-riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la chose que j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit polythéisme. Il dit, mais qu'est-ce que le petit polythéisme au messager d'Allah? Il dit, c'est l'ostentation. L'ostentation est une forme de polythéisme, mais c'est un petit polythéisme. Le musulman doit demander à Allah de le sauvegarder de cette maladie-là, mais c'est un petit polythéisme. On va donner un autre exemple pour la mécréance. Un homme, pour lui, de voler, c'est licite. Pour lui, c'est licite, c'est autorisé. Quand on lui dit que c'est interdit, il dit non, c'est pas interdit, c'est autorisé. Mais il n'a jamais volé. Ceci est un mécréant. Il est sorti de l'islam. Un autre homme a volé, mais dans son cœur, il reconnaît que c'est interdit par l'islam de voler. Celui-ci, il a fait une forme de mécréance. Okay, c'est parce qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas mis en application la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne sort pas de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît et il a la conviction que l'acte qu'il a fait, il est interdit. Alors que l'autre, il ne l'a pas fait l'acte. Mais parce que sa conviction que c'est autorisé, ceci le fait sortir de l'islam. Et l'hypocrisie, c'est la même chose. Le prophète sallam, il dit, le signe de l'hypocrite sont au nombre de trois. Lorsqu'il parle, il ment, et ainsi de suite. Si quelqu'un, par exemple, il parle et il ment, ben qu'ils se disent qu'il a un des signes de l'hypocrite. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'hypocrite qui sort de l'islam, qui n'est pas musulman, qui sera éternellement dans l'enfer, au plus bas degré de l'enfer. Non. Mais il a des signes, et qu'il sache qu'il a des signes de l'hypocrite. ou qui ne tient pas l'engagement, et qui n'est pas à l'heure au rendez-vous, et ainsi de suite. Est-ce que vous suivez ce que vous suivez, hein? Cette distinction-là, elle est très importante à comprendre. C'est pour ça que beaucoup font d'erreurs, parce qu'ils ne font pas de distinction. Pour eux, tu as fait un acte, ça a été kafir, c'est fini, ça s'arrête là. Tu as fait un acte, t'es mouchrik, ça s'arrête là, c'est sorti de l'islam. Alors que non. Parce que l'acte que tu l'aies fait, c'est une chose, mais il faut voir quelle est ta conviction. Donc, la conviction, elle a un très grand rôle. Et l'intention, elle a un très grand rôle dans ce point-là. Alors on continue. Il dit alors, وَهُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ. Et voilà le grand poutisme. الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ. Dans lequel Allah a dit, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Certes, le poutisme est une grande injustice. وَقَالَ تَعَالَى. Et le Très-Haut a dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils associaient quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes leurs œuvres tomberaient à néant. وَقَالَ سُبْحَانَهُ. Et le Très Glorifié a dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Tout ce qui est en dessous du polythéisme, Allah peut le pardonner à qui il veut. Mais le polythéisme, Allah ne le pardonne pas. وَقَالَ سُبْحَانَهُ. Et le Très Glorifié a dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. Et il t'a été révélé. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors si ce discours-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été visé, que ça doit être pour nous alors? Alors que lui, c'est la meilleure créature choisie par Allah subhanahu wa ta'ala, la créature qui a été choisie pour ce message, ce grand message qui est le message de l'islam, et qui a été élevé au degré de messager, de prophète. Alors Allah lui dit, et il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux d'avant toi, c'est-à-dire les prophètes et les messages d'avant toi, que si tu associes quoi que ce soit à Allah, tes œuvres tomberont. فَاللَّهُ خَلَقَنَا. Allah nous a créés. وَرَزَقَنَا. Et il nous a donné notre subsistance. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Et il ne nous a pas délaissé comme cela. بَلْ أَمَرَنَا بِتَوْحِيدِهِ. Mais il nous a ordonné de lui vouer, de lui donner l'unicité. وَطَاعَتِهِ. Et son obéissance. وَتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ. Et de délaisser sa désobéissance. Donc on voit très bien ce point-là qui est très important, de donner et de faire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala totalement comme lui il nous le demande et comme son message il nous le demande, et de s'éloigner le plus possible et d'en demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour s'éloigner de toute forme de politisme, toute forme de politisme, et quelle que soit cette forme là. Et il nous a très bien expliqué le terme l'ibada dont les versets citent, hein, que le premier sens qui lui est donné, c'est Tawhidullah subhanahu wa ta'ala. Allah ordonne à toutes ses créatures de lui vouer un culte exclusif à lui seul, et de n'adorer que lui seul, et de lui donner l'unicité. On continue donc dans le matin, dans le texte d'Ibn al-Wahhab. Bal arsala ilayna rasoula. Donc Cheikh Ben Baz, il explique ça en disant, وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا. Et il nous a envoyé un messager. هُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et ce messager, c'est Muhammad عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. بِكُلِّ مَا تَقَدَّمُ. Hein? Avec tout ce qui a précédé. On en avait parlé dans le cours précédent. Vous en rappelez un peu. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ بِذَلِكَ. Et il lui a révélé, et il lui a fait descendre le Coran avec cela. لِنَسْتَقِيمَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى. Ah, pour chercher la droiture, pour qu'on soit droit dans ce chemin-là, car dedans il y a la guidée. وَنَعْمَلَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَوَامِرِ. Et qu'on mette en pratique ce qu'il y a dedans comme ordre. وَنَنْتَهِي عَمَّا فِيهِ مِنَ النَّوَاهِي. Et qu'on délaisse toutes les interdictions qui s'y trouvent à la yadi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a été révélé sur qui? Sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, le messager d'Allah, khatamun nabiyyin wal mursalin, le sceau des prophètes et des messagers. Ja'a liyu'alliman nas dinahum, il est venu pour enseigner aux gens leur religion. Yarhamukallah. Fa huwa khatimul anbiya, et lui il est le sceau des prophètes. Wa imamuhum, et leur imam. Wa afdaluhum, et le meilleur d'entre eux. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers l'humanité et vers les mondes comme miséricorde pour leur montrer et pour leur enseigner la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a fait de la meilleure manière. Et il a transmis le message complètement, sans rien délaisser. Il n'y a pas un bien qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous fasse entrer au paradis sans que le message d'Allah nous l'ait enseigné. Et il n'y a pas un mal qui nous éloigne du prophète alayhi salam, alhamdulillah, et qui nous fasse entrer en enfer sans que le messager d'Allah ne nous en ait pas averti. Des fois, c'est fatigué, tu peux t'en manger. Parce que tu t'es pas reposé. C'est bon. Donc, le prophète alayhi salam a très bien transmis son message. Donc, et c'est à la communauté de bien comprendre cela. فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Celui qui lui obéit au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, il entrera au paradis, mais celui qui lui désobéit, il entrera en enfer. Et ceci est l'explication du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit: كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوا وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit: vous tous, vous entrerez au paradis, sauf celui qui ne le veut pas. Alors les compagnons dirent: mais ô messager d'Allah, mais qui d'entre nous ne voudrait pas entrer au paradis? Il dit alors: celui qui m'obéit entrera au paradis, mais celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Donc pour expliquer cela, Cheikh Ben Baz, il continue dans ce commentaire: فَمَنْ أَطَاعَ هَذَا الرَّسُولِ. Alors, donc celui qui obéit à ce messager, وَاسْتَقَامَ عَلَى دِينِهِ, et il est resté ferme, droit dans sa religion, فَلَهُ الْجَنَّةِ, il aura le paradis. وَمَنْ عَصَى هَذَا الرَّسُولِ, mais celui qui désobéit à ce messager, وَحَادَّ عَنْ دِينِهِ, et qui s'est éloigné de sa religion, فَلَهُ النَّارِ, il aura l'enfer comme demeure. كَمَا قَالَ تَعَالَى, comme le Très-Haut dit: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. Nous vous avons envoyé un messager comme témoin sur vous. C'est-à-dire, يعني بأعمالكم, c'est-à-dire témoin de vos œuvres. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا, comme nous avions envoyé à Pharaon un messager, qui est Moïse. فهو مرسل عليه الصلاة والسلام. Donc il est envoyé, sur lui la paix et les salutations. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Mais Pharaon a désobéi au messager, donc nous le prive d'un châtiment douloureux. أي أخذنا فرعون أخذا وبيلا, c'est-à-dire nous avons pris Pharaon d'un châtiment douloureux. في الدنيا, dans ce bas monde, avec quoi? بالغرق, quand il a été noyé dans la mer. Ça, c'était son châtiment dans ce bas monde. وفي الآخرة بالنار, et dans l'au-delà, dans l'enfer. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le feu, ils y entrent matin et soir. C'est Pharaon et ses siens. Ceci c'est dans quoi? Dans le barzakh. Ça c'est pendant, avant les qiyamah, ils séjournent matin et soir dans le feu. ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. Et le jour où l'heure sonnera, faites entrer Pharaon et ses siens dans le plus douloureux des châtiments. والدليل قوله تعالى. L'argument, c'est la parole d'Allah. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Ça aussi c'est une méfiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, que si jamais on répond de la même manière que Pharaon, on subira la même chose que Pharaon. On vous envoie un messager comme témoin sur vos œuvres, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon a désobéi. Donc c'est à nous de voir. Soit on obéit, soit on désobéit. Si on obéit, on a le paradis. Si on désobéit, on a l'enfer. Al-Thaniya, la deuxième. أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. Allah n'est pas satisfait qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. لا ملك مقرب ni un ange rapproché ولا نبي مرسل et ni un prophète envoyé. والدليل قوله تعالى et l'argument c'est la parole du Très-Haut. وأن المساجد لله et les mosquées appartiennent à Allah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'adorez donc personne d'autre avec Allah. N'adorez donc personne avec Allah. Et là, Cheikh Ben Baz il continue dans ce commentaire en disant هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى. Il dit ce deuxième point, hein, c'est le résultat du premier point qu'on avait vu. Vous avez vu qu'il y avait trois points. On a vu le premier, là c'est le deuxième point. Et il dit que ce deuxième point là qu'on voit, c'est le résultat du premier point, qui est de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Que tu saches et que tu apprennes qu'Allah n'aime pas, ne veut pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. كما أنه الخالق, comme il est le créateur. الرازق, celui qui donne la subsistance. المحيي, celui qui donne la vie. المميت, celui qui donne la mort. الذي خلقك, celui qui t'a créé. وأعطاك النعم, et qui t'a donné des bienfaits. فهو سبحانه, et il est le très glorifié. لا يرضى أن يشرك معه أحد من الخلق. Il ne veut pas, il n'aime pas qu'on lui associe qui que ce soit parmi ses créatures. La Nabi Mursal, ni un prophète envoyé. Wa la malakul muqarrab, et ni un ange rapproché. Wa la ghayruhuma, et ni autre que ces deux-là. Lianna al-ibadata haqqullahi wahda, car l'adoration est le droit d'Allah seul. Kama qala ta'ala, comme Allah a dit. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Et Allah a prescrit que vous n'adoriez que lui. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى, et comme le Très-Haut a dit, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul à qui nous demandons secours et aide. Et c'est là pour le terme إِيَّاكَ, il faut savoir une chose, c'est un مَفْعَلْ بِهِ. Un COD. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On aurait pu dire na'buduka wa nasta'inuka. Nous t'adorons et nous demandons secours à toi. Mais lorsque, en arabe, lorsque tu dis na'buduka, c'est-à-dire nous t'adorons, mais ça ne ferme pas la porte à quelqu'un qui pourrait dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que Allah qu'on doit adorer. On adore Allah, mais on pourrait adorer quelqu'un d'autre avec. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, le Seyyidu Jal l'a précédé, c'est pour restreindre le sens. C'est qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit adorer. Et c'est là le terme Iyyaka na'budu, c'est une confirmation comme quoi on ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un renforcement dans le sens, le fait d'avoir fait précéder le COD et d'avoir employé Iyaka. Donc ça renforce dans le sens Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب car le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus grand des péchés. وقد جاء في الآيات الكثيرة et nous a été cité dans beaucoup de versets الأمر بإخلاص العبادة لله وحده l'ordre d'être sincère dans l'adoration d'Allah à lui seul والنهي عن عبادة ما سواه et l'interdiction d'adorer autre que lui فتجمع بين أمرين فتؤمن بأن الله donc tu assembles entre deux choses تؤمن tu crois بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت tu crois que Allah est le créateur celui qui donne la subsistance celui qui donne la vie et celui qui donne la mort وتؤمن et tu crois بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة qu'il est le seul endroit d'être adoré من ذبح hein? parmi les formes d'adoration qu'il y a il y a l'offrande وصلاة la صلاة وصوم le jeûne وغير ذلك من العبادات et bien d'autres formes d'adoration كما قال سبحانه comme le très glorifié a dit وإلهكم إله واحد et votre Dieu n'est qu'un. Wa qala subhanahu et le très glorifié dit fala tad'u ma'a Allahi ahada et donc n'invoquez avec Allah et n'invoquez personne avec Allah. Al-thalithatu le troisième point. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu. Que celui qui obéit au messager et qui fait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui est pas permis de prendre amitié avec celui hein, qui s'est mis ennemi d'Allah et de son messager. Walau kana aqraba qarib, même s'il fut le plus proche des proches. Wa dalilu qawluhu ta'ala et l'argument c'est la parole du Très-Haut. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier. Yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu. Qui prennent amitié avec ceux qui ont pris comme ennemis, qui ont contré Allah et son messager. Walau kanu aba'ahum ou abna'ahum ou ikhwanahum ou ashiratahum. Même s'ils fussent leurs pères, leurs parents ou leurs enfants ou leurs frères ou leurs tribus ou la ikakataba fi qulubihim al-iman à cela Allah hein, a donné a écrit la foi wa ayyadahum bi ruhin min et il est venu à leur aide wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar et les fera entrer dans des paradis dont coulera de, en dessous des rivières khalidina fiha éternellement ils y seront رضي الله عنهم ورضوا عنه الله est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui أولئك حزب الله voilà le parti d'Allah ألا إن حزب الله هم المفلحون et certes c'est le parti d'Allah qui réussira. Donc Cheikh Ben Baz pour commenter ce troisième point il dit وهذه هي المسألة الثالثة et voici le troisième point وهي من أهم الواجبات et elle fait partie des plus importantes obligations an ya'lama kullu muslimin wa muslimatin que chaque musulman et musulmane sache annahu la yajuzu lahu an yuwali al mushrikin aw yuhibbahum qu'il ne lui est pas permis d'être l'allié des associateurs ni de les aimer fa kullu man ata'a Allah wa rasulahu car tous ceux qui adorent qui obéissent à Allah et à son messager وَوَحَّدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى et qui font l'unicité d'Allah très haut يَلْزِمَهُ أَنْ يُعَدِيَ الْكُفَّارِ il lui est un devoir, une obligation de prendre comme ennemi les mécréants ويبغضهم في الله et de les détester en Allah. ولا يجوز لهم ولاتهم et il ne lui est pas permis de les prendre comme alliés, ومحبتهم ni de les aimer. لقوله تعالى hein, comme preuve on a la parole d'Allah, لا تجد قوما qui est le verset qu'on vient de lire, tu ne trouveras pas un peuple, أي, c'est-à-dire لا تجد يا محمد, tu ne trouveras pas au Mohammed قوما أهل إيمان صدق, des gens qui ont une foi sincère, يوادون من حاد الله ورسوله, prendre amitié avec ceux qui contre Allah, avec ceux qui contre Allah et son messager. وقال تعالى et le Très-Haut a dit يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Et Allah dit dans le Coran, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Sourate 5 verset 51. وقال عز وجل et le Très-Haut a dit قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا الله سبحانه وتعالى دي certes vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à que vous croyiez en Allah seul. C'est sourate 60 verset 4. فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَغْضَاءِ وَالْعَدَاوَةِ. Donc, il est un devoir et une obligation qu'il y ait le détestement et qu'il y ait la prise d'ennemis, hein, li'a'da'illah, avec les ennemis d'Allah. Wa mawaddati al-mu'minin wa mahabbatihim, et de prendre amitié avec les croyants et de les aimer. Hakadha al-mu'min, voici le croyant. Yuhibbu awliya Allah, il aime les alliés d'Allah. Wa yata'awan ma'ahum 'ala al-khayr, il s'entraide avec eux dans le bien. Wa yakrahu a'da Allah, et il déteste les ennemis d'Allah. Wa yubghiduhum wa yu'adihim fillah, il ne les aime pas et il les prend comme ennemis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in da'ahum ila Allah, même s'il les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils ne sont pas croyants, ils ne les aiment pas pour leur prise d'ennemis qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ أَقَرَّهُمْ فِي بِلَادِهِ وَأَخَذَ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فِي بِلَادِهِ وَإِنْ أَقَرَّهُمْ فِي بِلَادِهِ وَأَخَذَ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ. Même si il les a laissés habiter dans son pays et il a pris d'eux l'impôt qui est le jizya. Vous savez, le jizya, c'est l'impôt qu'on prend aux gens du livre lorsqu'ils vivent dans des pays musulmans, lorsque la loi islamique est appliquée. Ces gens-là, on les invite à l'islam. C'est la première des choses. S'ils ne veulent pas, ils donnent un impôt qu'on appelle la jizya annuelle. En échange, les musulmans, le gouvernement musulman islamique les protège de tout mal et il leur donne leurs droits qu'ils ont. Troisièmement, s'ils ne veulent ni entrer dans l'islam, ni payer la jizya, c'est le combat. Ça, c'est les trois étapes qui sont connus pour le djihad. Donc, mais ça, on va y venir. Donc alors, il dit, même s'ils vivent dans son pays et qu'ils donnent la jizya, kawali al-amr, comme le chef d'État, qui prend la jizya, liyanna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, car le message d'Allah, أخذ الجزية منهم وأخذ الجزية منهم فيها عون للمسلمين لا محبة لهم. Et le fait de prendre le jizya de deux, hein, c'est parce que cette jizya là sera une aide pour les musulmans, pas par amour pour eux. C'est pas parce qu'on veut pas leur faire du mal qu'on prend le jizya et on les envie. C'est pas par amour pour eux. C'est parce que cette jizya là est une aide pour les musulmans. وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ. Et la jizya est prise d'eux lorsqu'ils n'entrent pas dans l'islam. وَلَا يُقَاتَلُونَ. Et ils ne sont pas combattus. Bel yuqarruna ma'a bughdin fillah wa 'adami walatihim. Mais on les laisse en sécurité. Mais avec tout ceci, qu'est-ce qu'il y a? Avec toujours le fait de les détester en Allah et de ne jamais les prendre comme alliés. Fa'in abou l'islam wa jizya. S'ils ne pas accepté ni l'islam ni la jizya, ils sont combattus s'il y a possibilité, capacité de les combattre. Et ceci est propre à qui? Aux gens du livre et aux Zoroastriens. Ce sont les seuls à qui on a le droit de prendre le jizya s'ils ne veulent pas entrer dans l'islam, mais qui acceptent de vivre sous l'autorité musulmane. Amma baqiyat al-kuffar, mais toutes les autres sortes de kuffar, de mécréants, فَلَا تُقْبَلْ مِنْهُمْ الْجُزِيَةِ. La jizya n'est pas acceptée. Si eux ils disent, bon, on voudrait bien vous payer la jizya, vous nous laissez. Non, on l'accepte pas d'eux. بَلْ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ. Mais ils sont combattus jusqu'à qu'ils entrent dans l'islam. كَالْوَثَنِيِّينَ, comme les polythéistes, les associateurs. وَالشُّيُعِيِّينَ, les communistes. وَغَيْرِهِمْ. Pourquoi les communistes, ce sont les athées, ceux qui croient en rien, croient en la matière. Wa ghayrihim min asnaf al-kafara, et bien d'autres sortes de mécréants. Ma'a al-qudrati 'ala dhalik, avec la quand il y a la capacité et la possibilité de faire cela. Li qawli Allah subhanahu, et pour argument il y a la parole d'Allah qui dit: Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Et combattez-les jusqu'à qu'il n'y ait pas de fitna, et qu'il n'y ait pas de confusion, et que toute la religion, hein, soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu subhanahu, et la parole du très glorifié, infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Bien, allez au combat, jeunes ou vieux, et combattez avec vos richesses et votre personne dans le chemin d'Allah. Ceci est bien meilleur pour vous si vous le saviez. Wa qawluhu subhanahu, et la parole du très glorifié, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Lorsque les mois sacrés sont passés, parce que vous savez qu'à l'époque, les mois sacrés, elles datent depuis le Jahiliya. Il y avait 4 mois sacrés. Et pendant ces 4 mois, les Arabes ne se combattaient pas, ne faisaient pas de guerre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté cette chose-là. Hein? Donc, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, et même Allah qui parle des mois sacrés, de faire du mal pendant ces mois-là est pire que de le faire dans les autres mois. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux musulmans, lorsque les mois sacrés sont passés, tuez et combattez les polythéistes là où vous les trouvez, et prenez-les, encerclez-les, et mettez-vous comme barrage ou barrière à leur chemin. Mais si ils se repentent et qu'ils s'acquittent de la salat et qu'ils donnent la zakat, laissez leur chemin, car Allah est pardonneur et il est miséricordieux. Et ça, c'est tout à fait logique. Lorsque quelqu'un a fait la shahada et rentre dans l'islam, ça y est, il est devenu musulman. À lui ce qui est à nous, hein, et à nous ce qui est à lui. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Et les versets dans ce sens-là sont si nombreux, sont beaucoup. ومراده سبحانه مع القدرة. Mais Allah, en nous demandant cela, hein, il sous-entend avec quand on a la capacité, hein, et quand on a la capacité. لقوله عز وجل, hein, et comme preuve il y a la parole du Très-Haut, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah ne charge pas une âme. Allah ne fait pas supporter à une âme une charge au-dessus de ses capacités. وقوله سبحانه, et la parole est sa parole du très glorifié. فاتقوا الله ما استطعتم, craignez Allah comme vous le pouvez. Comme vous le pouvez, ça ne veut pas dire s'amuser et dire bah c'est ce que je peux faire comme crainte d'Allah. Non, car Allah subhanahu wa ta'ala c'est mieux que toi tes capacités. Donc si tu es sincère, tu ne peux pas t'amuser. Tu feras ta possibilité et ton maximum que tu peux. Et bien sûr, ton maximum il sera limité. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المشركين حتى قوي على ذلك. Et parce que aussi le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم n'a pas combattu les mushrikin, les politiques, que lorsqu'il en a eu la force et la capacité. Quand il était à Mecca, il ne pouvait pas les combattre. Il était en position de faiblesse. Mais lorsqu'il était à Médine, il a fondé son état islamique, là, il était en état de force et il pouvait les combattre. ثم قال تعالى في آخر الآية, et Allah dit à la fin du verset, le verset qui est dans le message, qui est dans le texte, أولئك كتب في قلوبهم الإيمان, voilà ceux à qui Allah a écrit, a donné la foi, وأيدهم بروح منه, et qui les a aidés et les a raffermis, hein, et qui les a aidés avec sa force, أي قواهم بقوة منه, c'est-à-dire qui les a raffermis et qui leur a donné plus de force. Voilà qui se termine le commentaire de ce chapitre-là d'Ibn Baz. Je pense que je n'ai plus grand chose à rajouter sur ce qui a été dit. Wa subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.